بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خدي كومنتي با أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. سكتنا في المنصر. سكتنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب. نكون بوصلة. Dans le hadith, tayammum, dans les masa'il que le cheikh a évoqué. Il dit mas'alatun, hal yashtaritu sihat tayammum dukhul al-waqt. Donc qu'est-ce qui est conditionné pour que le tayammum soit valide? Que le temps soit rentré, le temps de la salat. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire avant le temps. Donc des gens, des ulama comme Ahmed, Shafi'i, Malik, voient qu'il est obligatoire que le temps soit rentré. Car ils voient que c'est une purification de Daroura. Donc ça n'est pas permis avant le temps. C'est-à-dire qu'elle doit être faite juste pour la Hajja, c'est tout. Comme par exemple, ils voient qu'on compare cela à la purification de la Mustahada, ou Mutrouraji. Hein, parce qu'on a dit que elle, ou comme celui qui a une incontinence urinaire, eux ils le font que juste avant la salat. Mathalan. L'ozo. Pourquoi? Parce que comme ils ont des pertes, ça va annuler, ça sert à rien. Donc ils ont dit le tayammum, ils rendent la même chose, tu le fais juste avant la salat, c'est tout. Taïeb. Et après, Abu Hanifa, et également une version solo Ahmed, il voit qu'il est permis de faire le tayammum avant le temps. Car c'est une chose qui rend permis la salat, la tayammum. Donc si jamais la salat est rendue permise, tu peux le faire à l'avance, le tayammum. Comme toutes les purifications, que ce soit le tayammum ou autre, tu peux les faire à l'avance. Donc le tayammum, il est valable tant que tu ne trouves pas d'eau ou que tu n'as pas permis de perdre ton eau. Donc, par exemple, demain, tu as fait tayammum, mathalan, pour le zohr. Après la as, il arrive. Tu n'as toujours pas trouvé d'eau. Et tu n'as pas perdu l'eau d'eau. Tu n'as pas besoin de refaire tayammum. Donc là, du zohr ou la as, tu l'as fait à l'avance ou pas pour la as? Tu l'as fait à l'avance. Okay. C'est pareil, tu peux le faire. Moi, fimane. Et ça, c'est la parole que Shir a dit comme étant rajah. C'est le rajah dans la mas'ala. Tu peux le faire à l'avance. Demain, par exemple, il y a zohr. Tu fais tayammum avant. C'est comme par exemple un exemple, quelqu'un, t'as des lieux comme ça en bitume. Aussi au Yémen, on n'a pas ça. Dans des lieux où il y a du bitume partout, il n'y a pas de terre, il n'y a rien. Il passe devant un lieu où il y a de la terre, mathalan. Avant le waqt. Et il sait que là où il va, il n'y a pas de terre. Ça me dit dans une ville, il n'y a que du bitume partout, il n'y a pas de terre. Donc lui il dit, tiens, j'ai de la terre là maintenant, je vais faire tayammum maintenant. Quelqu'un par exemple qui est malade, ou c'est un endroit où il n'y a pas d'eau, un exemple extrême. Il y a du bitume, il n'y a pas d'eau. Grosse ville, il n'y a pas d'eau, un exemple. Il sait qu'il n'y a pas d'eau là où il va, ou il est malade, mais ça, il ne peut pas faire l'eau d'eau avec de l'eau. Il passe dans un lieu où il y a de la terre. T'as même. Donc il fait tayammum. À l'avance, pourquoi est-ce qu'il sait qu'il n'y a pas trouvé par la suite? Ah bah non. Donc c'est permis. Et c'est également l'avis que Cheikh al-Islam Taymiyyah il a rendu prépondérant. Et après, il cite d'autres paroles de ulama dans le même sens. Qui détaille plus, mais qui a maintenant le même sens. Après, il dit Badum Masail al-Mulhakati. Il y a certains sujets attachés. Plutôt certains cas de figure attachés à ce sujet. Premier mas'ala. إذا وجد الماء بثمن. S'il trouve l'eau, mais il faut l'acheter. Dans un endroit, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'eau gratuite. Quand même, la seule eau qu'il y a, elle est vendue. Donc, c'était une parole de Bukudama. Mohim. Lui, il cite à différents avis, qu'il y a la massa sur laquelle il a fait des ulama, ils disent que, par exemple, si jamais il y a de l'eau qui est présente, d'accord, l'eau elle est présente, et qu'elle n'est que à vendre. il y a des ulama qui disent t'as pas, t'es pas obligé de l'acheter. Pas obligé de l'acheter. Même si t'as des moyens, t'es pas obligé de l'acheter. Vous voyez? Après, il y en a qui font un tafsil. Ils disent, si jamais l'eau est hors de tes moyens, par exemple, t'as un peu d'argent pour un voyage, ce genre de choses, et l'argent que t'as te suffit à faire ton voyage, d'accord? T'es pas obligé d'acheter l'eau. Il y en a qui disent, si jamais tu peux acheter l'eau, même si elle est plus chère, t'as les moyens de l'acheter, ou quoi, tu l'achètes l'eau. Et tu fais l'eau droit avec. Pourquoi? Car ils disent que c'est quoi la condition? Falam, tajidu, ma'an, fatayammamu. Si vous ne trouvez pas d'eau. Donc ils disent là, l'eau, tu l'as trouvée. D'accord? Mais maintenant, ils ont dit quoi? Tu l'as trouvée, il faut que tu sois en mesure de pouvoir l'utiliser. Et là, ils ont rajouté ça. C'est pour ça qu'ils disent, ils disent que si jamais l'eau est à vendre, tu n'achètes pas. Tu n'achètes pas. Mais le coup, le rajir, c'est que tu l'achètes si tu peux l'acheter. L'eau, elle est présente. Donc, ton amour risque d'être invalide. Mais c'est le masalah khilafia qui existe. Et après, il dit que ça, c'est le call de l'Ufaymin. Il dit que si jamais, après avoir cité la divergence, que si jamais il trouve l'eau, qu'elle est à vendre, qu'il a les moyens de l'acheter, alors il est obligatoire de l'acheter. Il est obligatoire de l'acheter. Sous la preuve de ce qu'on a cité auparavant, comme par Allah SWT, où il dit Falam, tajidu, ma'an. Si vous ne trouvez pas d'eau, là l'eau. Donc il dit que Allah SWT a mis comme condition que l'eau soit absente pour faire le tayammum. Et là l'eau elle est présente. Et il n'y a aucune nuisance contre lui à l'acheter, s'il a mis les moyens d'acheter. Donc il l'achète. Non. Mais tu veux tourner la main, ils disent non, tu l'achètes pas. Tu l'achètes pas l'eau. Mais le col qui paraît le plus fort, c'est celui-ci. Même ça paraîtrait assez surprenant de la part d'un musulman qui a les moyens d'acheter de l'eau, enfin l'eau d'eau, et il y a que cette eau-là qui est trouvable. C'est lors de la salat, la jama'a, il dit non, moi c'est pas obligé d'acheter, donc je fais taïmoum. Mathalan. Si je parle de quelqu'un qui peut acheter l'eau. Voilà. On dit, c'est une ibad. Au pire, allez, au pire, hein? Pas forcément, non? Donc tu consommes, tu payes, ouais, non. Mais souvent, quand tu es au mosjid, par exemple, les gens font l'eau au mosjid, ils ne payent pas l'eau. L'eau est gratuite. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, ils se lâchent. Tu vois, ils s'arrêtent, ils font du gaspillage d'eau. Quoi qu'il en soit, on dit, même on dit que c'est pas allé, c'est pas wajib. Yahri, tu t'achètes pour faire une ibad. Tu vois? Donc ça a rien de jouer de faire le baril. Achète l'eau. Et fais l'eau avec. C'est pour Allah. Tu n'es pas perdu. Non. Taïeb, après, c'était d'autres masa'il, mais pas la peine de les évoquer. C'est un petit peu, tu vois, des détails dans le sujet. Tu vois, c'est un sujet avec un tawassour. Celui qui veut les voir, qu'il lise directement en arabe. Moi, je choisis le plus important. Il dit Mas'alatun. Man yaltahiqu bi'adim al-ma. Qui donc est concerné comme étant sans eau? Quel genre de personne peut-on dire qui n'a pas d'eau? Il a rapporté une part de Mukudama dans le Mourni. Il dit par exemple, une personne, l'eau elle est là, Mathalan. L'eau elle est présente. Mais il y a un obstacle entre lui et l'eau. Par exemple, des fauves, des bêtes sauvages. Ou un ennemi qu'il craint. Ou il y a du feu. Il n'a pas juste passé. Quand même. Ou si jamais il y va, il a ses affaires, il y a des voleurs. Par exemple. Lui, il est considéré comme une personne sans eau. Même si l'eau elle est là, il ne peut pas aller la chercher. Quand même, il ne peut pas aller la chercher. Ou alors, il dit le cas d'une femme, par exemple, l'eau se représente dans un lieu où il n'y a que des foussards, des pervers. Et elle craint pour elle. Même, elle n'est pas obligée d'y aller. Elle peut faire tayammum. Par exemple. Ou par exemple, également, comme on l'a dit tout à l'heure, il est avec sa famille ou il est avec des gens, et l'eau est à un endroit, et il craint que si jamais il est sous sol, il leur arrive quelque chose. S'il part chercher de l'eau, par exemple. Ne pas les emmener avec eux. Et s'il y va tout seul, il craint pour eux. Quand même, des représailles, il y a des voleurs ou il y a des animaux. Il ne peut pas laisser tout seul sa famille. Donc lui, pareil. D'accord ? Lui, c'est pareil. Mais on parle d'une vraie peur. Hein. Après, il cite. Ça ne concerne pas le Jabban. Celui qui est un lâche. Celui qui a peur de tout, pour rien. Non, pas Waham. On appelle ça également Djoubn. Jabban. Quand même, le Waham, c'est pas forcément quand on est dans la peur. Tu peux imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Pas forcément la peur. Le Waham, c'est plus large. Mais le Djoubn, c'est lié à la peur. T'es un halash, mathalan. Tu t'imagines des choses alors qu'elles sont pas comme tu crois. Par exemple, je sais pas, il y avait un truc bougé ou non. Ah, il y a des fauves. Après, c'est un chaton. Mathalan. Dis, j'y vais pas, il y a une bête sauvage là-bas. Tu vois, il sait pas c'est quoi, il juste avait un truc bougé. On va dire, ça se trouve, c'est un chaton. Ça se trouve, c'est un petit animal. Et il est en panique, il veut pas y aller. Il dit, non, je suis tayammum. Mathalan. Ou il est dans un endroit, il y a personne, il dit, oh, il y a des voleurs, vous voulez des affaires, il y a personne dans le, là où il est. Par exemple, il n'y a rien à craindre. C'est lui qui s'imagine des choses. Il est dans la paranoïa. Ça, c'est pas considéré. On parle d'une chose qui est concrète. Une chose, c'est devant toi. Par exemple, le fauve, il est là, il est devant toi, tu le vois. Ou c'est un loup, c'est qu'il y a des fauves qui rôdent. Tu vois les traces. C'est un loup qui est connu, il y a des fauves. Pour ta famille, ce genre de choses. Un lion, il y a des voleurs, c'est connu. Il y a déjà eu des choses qui sont passées, des crimes. Des choses, c'est sûr. Ou alors, si c'est pas sûr, c'est de fortes probabilités que ça arrive. À un lieu où il n'y a rien, tu n'as pas de doute, tu n'as pas de raison de penser ça, tu t'imagines ça, par exemple ? Non. D'accord ? Après également, le malade, celui à qui l'eau pourrait nuire, si jamais il fait le dos, il rentre dans le même jugement. Il fait tayammum. Ou celui qui a très peu d'eau, l'eau qu'il a lui suffit seulement à boire. Il a un long voyage à faire, par exemple. Il a de l'eau, il ne suffit que pour boire. Et il craint que si jamais il prend l'eau pour l'eau, il n'ait plus d'eau pour boire. Et après, il puisse en subir les conséquences par la soif. Lui aussi. D'accord ? Lui aussi. Il peut faire tayammum. Donc ça, c'est les exemples qu'il a cités parmi des personnes considérées comme n'ayant pas d'eau, même si l'eau est présente. Eux, c'est, on appelle ça « adim ul ma ». Adim ul ma. Après, Dimas Allah, il est wajada al-junub ma yakfi ba'd a'dha'ihi wa mithluhu lil-muhdith wa mithlu al-muhdith hadathan asghar. Par exemple, maintenant c'est quelqu'un qui est junub ou qui a hadath asghar. Muhdith, par exemple, il a de l'eau, mais elle ne suffit pas à faire le rosl. Elle ne suffit que à faire, par exemple, le dos, où elle avait une partie de son corps et pas tout. Tamam, il y a de l'eau. Mais elle ne suffit pas pour faire tout ce qu'il a à faire. Ou par exemple, Al-Mourdith. Il a perdu l'eau, même si c'est pas le rose. Il a un tout petit peu d'eau, ça ne suffira pas à tout faire. Faire tous les membres. Sans qu'il va faire son visage, me demandant. D'accord ? Il va faire son visage, il va faire l'avant-bras. Hop, c'est fini, il n'y a plus d'eau. Il n'a pas pu faire la tête et les pieds, ce genre de choses. Comment il fait ? Donc, il y a apporté une part de Bukudama qui dit qu'il commence par ce qu'il peut. Et après, il finit par tayammum. Il utilise l'eau. Là, on parle pas de quelqu'un qui est dans le désert qui va mourir de soif. Hein. Par quelqu'un, avant la salade, il a que ça comme eau. Ouais. Il va en trouver après, lui. Je sais pas, au moment de la salade, il a que ça comme eau. L'eau qu'il a, il n'y en a nulle part à part cette petite quantité d'eau. D'accord ? Cette petite quantité d'eau. Et il ne suffit pas à faire l'eau entièrement ou à faire un rousse entier. C'est des genoux, mathalan. Donc, comment il fait, lui ? Il dit, il commence par ce qu'il peut faire et il finit par tayammum. D'accord. Et c'est à plein de savants qui envoient cet avis-là. Et l'autre rôle, d'autres ulama disent, il fait tayammum. Et il laisse l'eau qui ne suffit pas, il ne s'en sert pas. Il fait juste tayammum. Car cette main, cette eau, ne doit pas le purifier. Elle n'est pas suffisante. Donc il n'est pas obligatoire qu'il l'utilise. Et c'est quoi, Tayeb? Donc après, il cita comme preuve parmi le premier call, Mokodama toujours, hein, ce que le cher rapport de Mokodama, il dit, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَتُمِنُوا مَسْتَطَعْتُمْ. Si vous ordonnez une chose, alors faites ce que vous pouvez. Là, tu peux commencer par ça. Le peu d'eau que tu as, tu peux faire. Voyez ? Naam. Et également, Valam t'a dit d'oumaf, t'ayammamou. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors t'ayammoum. L'eau, elle est là. Enfin, de l'eau qui est là devant toi. Même si ça ne suffit pas. Utilise-la. Et quand on n'a plus, t'ayammam. Mais si tu fais t'ayammoum et l'eau, elle est là, t'ayamm, ceux qui vont s'arrêter là, ils craignent que pour toi, le t'ayammoum, ils ne sont pas valables. Car tu as de l'eau devant toi. La condition pour t'ayammoum, c'est que tu n'aies pas d'eau. Ou que tu ne sois pas en mesure de pouvoir l'utiliser. Al-ma est écrit. L'eau, elle est là. Ah, donc, pourquoi laisser l'eau? Utilise-la et après, fais un de peur que ton tayammum soit invalide. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est là. Même si ça ne suffit pas, il y a de l'eau quand même. Dans le verset, il n'y a pas écrit ma yakfikum. Il y a écrit al-ma. Al-ma. Lam tajidou ma'an. De l'eau. Il n'y a pas écrit Bessalan. Alors, cependant, il n'y a pas dit l'eau qui te suffit. Il y a écrit de l'eau. Ah, va. Donc, Chine, il voit que cette parole-là, c'est la plus forte, la première. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il peut avec l'eau et après, fait un monde. Et c'est également l'avis de Bloukoudama, qui l'a cité. Et d'autres. Parmi eux, Al-Majd ibn Taymiyyah, le grand-père d'Ibn Taymiyyah. Également, l'imam, Al-Hafiz Nawawi. Et Cheikh Ibn Baz, ou alors Othaymin, et d'autres. De toute façon, toi, tu vas sortir du khilaf. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as un khilaf qui est là. Quoi qu'il en soit, t'as un monde, tu vas le faire. L'eau que t'as ne suffit pas. Tu vas penser à ce sujet-là. Tu dis, ah, mais je sais plus, il y en a, ils ont dit ça, ils ont dit que ce n'est pas permis. Tu fais quoi pour sortir du khilaf? Prends l'eau, parce que prendre l'eau, ça ne va pas nuire au deuxième call. Ils disent que tu n'en as pas besoin. Même si tu le prends, ça ne va pas nuire ton tayammum. Prends l'eau, fais ce que tu peux, fais ton tayammum. Prends le call, la parole la plus prudente. Comme ça, tu sors du khilaf. Quand tu n'arrives pas à distinguer entre deux avis, prends le plus prudent. Celui qui ne nuit pas à l'autre. Et comme ça, au moins, tu as le cœur rassuré. Et après, quand tu as Allah, il t'ouvre les portes de la science, de la compréhension, tu cherches plus, c'est ce que tu sois vraiment sur la certitude de ton avis. Mais tant que tu doutes ou quoi, ou que tu penches et t'es encore un peu perplexe, prends l'avis le plus prudent des deux. Toujours. Ça, c'est une règle hein, que les savants ils évoquent lors d'un khilaf. Prends, quand tu n'arrives pas à distinguer ou quoi, prends l'avis le plus prudent. Donc ça, c'était ma celle qu'on a pris aujourd'hui. Il y en avait d'autres, mais elles sont pas, c'est vraiment des cas extrêmes. On ne va pas les citer, Inch'Allah. تمام فرق تسبيح هذا ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك